B. Il a de gentils voisins. La salle est pleine. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu connais des Coréens? Il me fait de la peine. On sortira après.